Nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, deuxième épisode de la nouvelle saison de l'Asile, la 12e ou la 13e, on sait même plus trop vu qu'on n'a pas assez de doigts pour compter le nombre d'années et les cernes qui couvrent le visage de votre serviteur. Émission toujours diffusée sur antenne du 94 MHz le lundi à partir de 21h30, également écoutable et podcastable sur le site internet asile.blogspot.com, également sur le mixcloud.com/redman. Ça c'est pour l'écoute en streaming avec l'ensemble des playlists et possibilité de poster des commentaires sur ces deux mêmes sites. Je propose de démarrer avec un peu de Psyché Thaï et le combo Kun Narins Electric Fin Band, découvert par le producteur de Los Angeles Josh Marcy suite à une série de vidéos qui avait été postée sur le net. Il est allé les retrouver dans leur petit village de la province Ketchabou du nord de la Thaïlande. Ils avaient enregistré à l'extérieur d'un temple bouddhiste, comme le dit la petite histoire, et donc signé sur son label Innovative Leisure à la rentrée 2014. On avait passé d'ailleurs ce disque lors de la précédente rentrée dans l'Asile le plus sûr, donc des jams psychés dans le style thaï un peu classique. On pense beaucoup au Lam Saravan avec beaucoup de petites percussions, mais chose assez étonnante, on y retrouve un luth électrifié homemade qui répond au nom de Finn, d'où le nom du groupe électrique Finn Band, et ça sonnerait presque comme du Ken, cette proto-guitare accordée selon un tempérament d'Asie du Sud-Est. Et je propose ça parce que le Kun Narins Electric Fin Band fait partie de la trentaine d'artistes révélés de la 37e édition du festival brétilien des transmusicales qui auront lieu cette année entre le 2 et le 6 décembre. C'est sorti juste la semaine dernière, cette information, et la programmation complète sera révélée cette semaine, jeudi prochain. Donc on écoute le Kun Narins Electric Band, dont vous entendrez certainement beaucoup parlé en cet automne sur l'antenne du 94 MHz. On écoute le titre Show Wong. Thank you. démarrage en fanfare pour l'asile de cette semaine, votre programme de musique de traverse. On a démarré avec Kunarins Electric Fin Band et l'album éponyme publié l'an dernier sur le label Innovative Leisure, donc des jams psychés avec instruments traditionnels, et c'est sacrément bon d'un bout en bout. Alors c'est une belle pioche pour les transmusicales de cette année que de les programmer. Je pense que ce sera au Parc Expo, on ne sait pas encore sur quelle date. En tout cas, ils feront partie de cette 37e édition de la première semaine du mois de décembre, et on a enchaîné avec des Colombiens qu'on avait pu écouter au Trans aussi d'il y a 2 ans, les musiciens autour des Meridian Brothers, tout d'abord Los Piranhas et le disque qu'ils ont sorti au printemps dernier sous le titre La Diversión que hacía falta en mi país, sorti sur Miscellaneous Discographica, donc du psyché tropical noise totalement frénétique et Footrack. On avait pu se rendre compte d'ailleurs à l'occasion de l'excellent concert qu'ils ont donné à la fin du mois d'août à Nantes pour le festival des Rendez-vous de l'Erdre. Excellent trio mené par Eblis Alvarez, le leader des Meridian Brothers, qui est guitariste et sorcier électronicien, qui est accompagné par une section rythmique du Feu de Dieu, Mario Galeanao, qui est au Barro Electronico, et Pedro Ojeda à la percussion, des Piranhas qui mordent à tous les coups et qui jouent de la cumbia à des rythmes endiablés, télescopés par un esprit assez proche des Residents des débuts ou encore de Félix Koubin. C'est leur deuxième disque après Tomatu Rabon Capax, qui était sorti en 2012. Excellent disque, cette Diversión que hacía falta en mi país. Et à noter que cet album se conclut d'ailleurs avec une drôle de reprise assez décalée, forcément, de My Way, le fameux titre rendu célèbre par Frank Sinatra de notre Clo-Clo national, et qui avait été aussi repris par Nina Hagen, et on n'est pas très très éloigné d'ailleurs de l'esprit de cette reprise par Los Piranhas, qui est enchaîné avec un nouveau projet autour de ces musiciens qui répond au nom de Rompareio, avec un disque éponyme qui est sorti sur le label britannique Discrepante. Donc autre projet tout droit sorti des faubourgs de Bogota, qui réunit cette fois le même Pedro Ojeda à la batterie. Eblis Alvarez est aussi de la partie, et un autre claviériste qui joue de l'orgue synthé assez bizarre, Ricardo Gallo, et Juan Mavel Toro est à la basse. Donc là encore une manière assez détournée de revisiter les sons psychédéliques de la cumbia des années 70. Tout ça fait pas mal penser d'ailleurs aussi peut-être à ce que peuvent faire aussi Messerschoups, mais avec un esprit plus latino. Et à noter donc que ce Romperayo a été publié par Discrepante, donc en vinyle avec une pochette assez magnifique, label britannique qu'on suit depuis un petit moment, avec une série de disques fort intéressants qui publient dans les musiques extra-occidentales. On avait notamment pu écouter les Libanais de Malayin sur ce même label britannique, et là je propose des musiciens qui gravitent autour de Malayin, notamment Khaled Yassine, qu'on retrouve aussi dans le A-Trio, qui est percussionniste et aussi électronicien. Il s'agit là d'un combo de 5 musiciens de la scène underground arabe, réunion de gens entre Beyrouth et le Caire. Le projet s'appelle Alif, et il y a un album qui vient de sortir tout début du mois de septembre sous le titre Einama Retama, et c'est sorti sur le label Nawa Recordings. Donc ce disque réunion de musiciens, comme je vous disais, on y retrouve notamment aussi Maurice Luca au clavier et électronique, qu'on avait pu vous passer aussi dans la même série des musiques un peu entre l'Égypte et le Liban l'année dernière. Il y a une scène très très riche en ce moment avec l'excellent disque Salute the Perrotte. Et on y retrouve également le chanteur Tamer Abou Razaleh, qui joue aussi du bouzouk turc. Et on va écouter un morceau assez mélancolique d'Ars Min Kama Sutra, qui veut dire une leçon de Kama Sutra, et qui contient des vers du poète palestinien Mahmoud Darwish, décédé en 2008, qui était très engagé pour la paix et qui a dû s'exiler aux États-Unis. L'album Einama Khatama de Alif, sorti en CD vinyle et téléchargement en haute définition, donc une publication assez large du label Nawa Recordings. On écoute cet excellent album de Alif. حضرات الجبال انتظرها بذوق الأمير رفيع البديل انتظرها سبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنهر البخور النسائي ملء المكان انتظرها ولا تتعجل بعد موعدها وإن أقبلت قبل موعدها فإن أقبلت بعد موعدها وإن أقبلت قبل موعدها انتظرها طير فوق جنايها وانتظر لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظر لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظر لترفع عن ساقها ثوبا غيما had a hobby. Well, you must have had as a child. But I never got into anything for long enough. I had a coronation mug for when the Queen got crowned, and I thought I might collect coronation mugs, but she simply never died. Avouez que ça rentre bien dans la tête, cette chanson de Lloyd Pack, qui est un projet du musicien anglais, plutôt estampillé garage, une sorte de garage expérimental, un peu psychédélique, un peu post-punk, un peu les continuateurs de Père Ubu, les projets de Dan Melchior, et ce disque A Tribute, sorti sur l'excellent label Amish Records au début du mois de septembre. Et donc Lloyd Pack, qui avait rien sorti depuis un album de 2013, Atom with the Lloyd Pack. Et à noter que Dan Melchior, quantité de groupes à son actif, il a à peu près une trentaine d'albums publiés sous son nom ou sous ses différents alias, et de ça depuis les années 90. Il vient tout juste de reformer aussi son combo Broke Review avec le disque Lords of the Manor qui est sorti chez In The Red en parallèle, donc un vinyle. Il a aussi un projet qui s'appelle Dan Melchior Undas Menace. Il a sorti aussi un disque solo entièrement tout seul et sous son nom en début d'année sur le label Ultra Eczema sous le titre Happiness is Overrated, un disque dédié d'ailleurs à sa compagne, l'état Diane Rodman Melchior, décédée apparemment du cancer en 2014. Et on retrouve la voix de sa compagne d'ailleurs sur la plupart de ses productions, comme sur ce disque donc de Lloyd Pack, A Tribute. Et juste avant, il s'agissait du projet Alif, donc qui tire son nom de la première lettre de l'alphabet arabe, avec le disque sorti sous le nom de Anyama Rtama sur le label Nawa Recordings. C'est le premier album à ce jour du projet, dans lequel on retrouve le batteur libanais Khaled Yassine, qui est assez connu comme accompagnateur de quantité de musiciens, notamment du jazz, tels que par exemple Eric Truffaz ou encore le pianiste Boyan Z. Il a aussi beaucoup tourné aux côtés d'Anwar Brahim et enregistré sur ses albums du label ECM. Et donc là, il est aux côtés d'une petite tribu qui mélange des musiciens libanais et égyptiens, et notamment Maurice Luca, pour ce disque d'assez belle facture. C'est dommage que je ne comprenne pas les paroles. Les morceaux ont l'air d'être assez poétiques, avec plusieurs textes extraits de la poésie arabe contemporaine d'ailleurs sur ce disque Anyama Rtama de Alif. On va continuer avec tout autre chose cette fois-ci, et c'est le combo ZX qui est de retour en ce mois de septembre. Plutôt, c'est un double CD qui est sorti au début de l'été sous le titre ZX at Bimuis, et c'est donc le grand retour du combo punk hollandais, avec cette compilation qui regroupe 25 ans de l'histoire du groupe au fameux club d'Amsterdam, le Bimuis. Donc, et on y retrouve les différentes incarnations du combo augmenté des improvisateurs européens ou américains, notamment John Butcher, Ken van der Mark, Anne Burs aussi, qui était souvent de la partie aux côtés de ZX, et qui continue d'ailleurs son chemin dans des projets aux côtés de Lukex, l'ancien bassiste de la formation du même nom. Il s'agit de 12 concerts donc réunis en deux CD, avec des photos, des posters et un article. Et on y retrouve aussi trois nuits en compagnie de Ketachu Mekuria. Mais là, je vous propose le premier élan de leur collaboration avec le club Batav, donc qui date de juin 1991. Ce concert avec en guest le fameux percussionniste légendaire de la free music hollandaise, le saxophoniste Ab Bars, le tromboniste Walter Virbos. On écoute deux titres enchaînés de ce concert de 1991 de ZX, sur le premier CD de cette double compilation ZX at Bimuis. Voilà, comment se faire surprendre par la fin d'un morceau. On a écouté à l'instant dans l'Asie le plus sûr d'abord deux titres du concert de The X at Bimus, extrait de ce double CD qui vient de sortir sur X Records. Alors, il ne s'agissait pas de la première session au fameux club Jazz Free des Pays-Bas, mais de la deuxième du 23 octobre 1991 de The X With Guest October Meeting, donc deux titres enchaînés, Kimmel et Sonic Broom, qui faisaient beaucoup vrombir les oreilles. Il y a différentes sessions jusqu'à des choses avec notamment le projet de l'actuel chanteur Zéa, et ça va jusqu'en 2015, jusqu'au printemps, donc ce double disque en concert du combo Batav, sorti sorti un peu avant l'été. Et en parallèle, ZX a aussi publié d'ailleurs un DVD qui retrace la soirée de concert anniversaire pour leurs 33 ans et demi. C'était au Café Otto, cette fois-ci de Londres, en 2012, je crois. Et c'est sorti également au mois de juin en DVD sous le titre Say All of Us. Et bon, ces deux témoignages de concert rendent un peu grâce aux nombreuses tournées et innombrables concerts du combo depuis 1979. Je crois qu'ils sont à peu près à 1800 dates ou quelque chose de cet ordre. C'est ce qu'ils indiquent en tout cas sur leur site zx.nl dans les archives. 1765 concerts annoncés pour 2014. Donc bon, ils doivent être à peu près à 1800 et une vingtaine, les fameux ZX qui étaient enchaînés avec le combo originaire de Meurthe et Moselle, les Nancéiens de Filia Mozza, et l'album Like It Is qui n'est pas encore sorti dans le commerce, qui sortira le 9 octobre sur le label Aagou Records. Et on écoutait Matt Summer Meetness, qui est un titre dans un registre très proche d'ailleurs de ZX augmenté, et c'est à peu près logique puisqu'on retrouve sur plusieurs titres l'ex-chanteur du combo Batav JW Sock, et donc le grand retour de la violoniste Emily Weber et son camarade de jeu Anthony Laguerre à la batterie, rejoint comme souvent par leur deuxième violon. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils se produisent la plupart du temps en concert. Et sur les disques, ils augmentent souvent d'un certain nombre de personnalités. Pour le projet Rhodes, qui était sorti en CD chez Vandœuvre, vous avez passé ça aussi à l'époque, il y avait des claviers, sax et trombone. Et on les retrouve sur ce Like It Is. Il y a aussi le guitariste rennais Olivier Mélano qui est sur ce nouvel album de Filia Mozza. Comme le précédent Sentier des Roches, une formule avec différents invités et formule en duo augmentée pour Filia Mozza. Un autre projet en duo, il s'agit de la réunion entre deux chanteuses que je suis d'assez près, c'est assez rare pour être signalé. Il s'agit de Héloïse Descases de Alt, le groupe folk à tendance un peu médiévale et un peu minimale expérimentale, et Delphine Dora qu'on avait découvert au printemps de cette année à l'occasion de la sortie de son très beau disque Près du cœur sauvage, qui est une pianiste chanteuse dans un registre assez mélancolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait aussi beaucoup penser à ce que font ses consoeurs finlandais depuis quelques années, je pense notamment à Low No ou encore Koupou. Et toutes les deux, Delphine et Louise Descases et Delphine Dora, viennent de sortir Folk Songs Sickles, qui est un 25 cm publié par le label de Bruxelles Ukraina Records, qui a une maxime assez amusante: les disques du faubourg. Alors je ne sais pas si les deux musiciens en question sont originaires des faubourgs, en tout cas elles reprennent un recueil composé par le compositeur italien Luciano Berio, qu'il avait créé pour sa compagne, c'était dans les années 60, la fameuse Cathy Berberian, la fameuse cantatrice qui s'amusa aussi à reprendre les Beatles. Donc un cycle de chansons traditionnelles revisitées et réinterprétées par ces deux chanteuses. Alors c'est plutôt très très bon de bout en bout, c'est même limite trop court. Deux titres enchaînés puisque ce sont des miniatures, ce disque Folk Song Sickle de Héloïse Descases et Delphine Dora. I wonder as I wonder out under the sky, oh Jesus, our Savior, did come for to die for poor hungry people like you. surely could have it, 'cause he was the king. Oh, Lucy. Turn the lights on, séquence totalement folk sur l'antenne du 94 MHz qui a démarré tout d'abord avec les voix de Héloïse Descazes et Delphine Dora sur le Folk Song Sequel, le fameux livret de chansons d'il y a une petite cinquantaine d'années de Luciano Berio, revisité par ces deux musiciennes sur un très beau 25 cm du label Ukraina Records. Ça a été d'ailleurs masterisé par le guitariste montréalais Harris Newman et Delphine Dora, qui est par ailleurs pianiste, qui joue avec pas mal de musiciens dans le domaine plutôt de l'improvisation et des musiques de traverse, jouait également de l'harmonium sur la deuxième pièce, et s'était enchaîné avec une séquence plutôt folk urbaine cette fois-ci, et la musique du duo Lumizokea ou Lumizoki, et l'album Mnemosyne, publié par le label britannique Alter Records, l'excellent label Alter Records dont on vous parle assez régulièrement, le label du musicien électronique Lunk Younger, plus connu notamment sous son alias Helm. Et donc il a fait paraître cette troisième livraison d'une formation qu'on découvre, un groupe mi-belge, mi-italien, dans lequel on retrouve l'électroacousticien Andrea Taigi, totalement inconnu au bataillon, et Quenrad Ecker, qui est un nouveau venu aussi dans le domaine des musiques électroacoustiques, mais qu'on avait rencontré par un disque sorti il y a quelques mois sur le label Line, Sleepwalkers in a Cold Circus. Donc une musique plutôt d'obédience noise électronique assez minimale. Ces deux-là sont basés à Berlin, donc une musique un peu proche de ce que peut faire une certaine scène berlinoise, peut-être du côté des musiques minimales électroniques du label Rasternoton. Donc le duo Lumizokea et l'album Mnemosyne. Voilà, on va enchaîner avec une formation cette fois rennaise. Il s'agit de la fameuse société des timides à la parade des oiseaux, dont on vous passe régulièrement la musique dans l'asile le plus sûr. On vous avait programmé notamment leur dernier album en date, album long, c'était au mois de juillet, juste avant qu'ils s'envolent pour leur concert en Lituanie. L'album L'imparfait multiple de Dieu, sorti sur Soleil Mutant. Et je vous propose la musique des Timides à l'occasion d'un concert qu'ils vont donner dans le cadre de la nouvelle édition du Marché Noir, qui aura lieu à la fin du mois de... Enfin, plutôt à partir de la mi-septembre, avec différentes expositions à voir en ville. Ce salon de la micro-édition qui invite donc depuis plusieurs éditions, c'est la quatrième cette-ci, les différents collectifs qui pratiquent les arts graphiques sous toutes leurs formes, notamment par exemple les éditions Macule et Conception, Mécanique Copulaire ou encore Arrache-toi un œil, pour ne citer que cela. Il y en a une bonne trentaine qui sont invités cette année encore, et donc des expositions à voir un peu partout en ville, également beaucoup d'ateliers sérigraphie, coloriage, tatouage, ateliers sur inscription à partir de leur site lemarchenoir.org, et un vernissage qui se produira à la boutique Blind Spot, ce sera jeudi 17 septembre, rue Poulain du Parc à 18h30, exposition collective du Grand Frisson, et donc pas mal d'autres choses en ville, notamment à la Courte Échelle, au Champ Libre, au Frac Bretagne, à la Minuscule Galerie, également à la Parcheminerie avec une coproduction avec les comptoirs du DOC et des expositions à l'Institut Pasteur. Et comme les précédentes éditions, une proposition et coproduction avec le Jardin Moderne, une exposition à chacun sa viande qui se tiendra entre le 26 septembre et le 16 décembre, qui sera inaugurée donc le samedi 26 avec un concert de la STPO. Ce sera à 18h30, c'est entièrement gratuit dans le café culturel du Jardin Moderne, l'occasion de retrouver le compo La Société des Timides à la Parade des Oiseaux avec son répertoire de pièces à tiroir et des morceaux fleuves qui font entre 15 minutes et une demi-heure. Il y aura aussi dans la même soirée du samedi 26 septembre une proposition de musique alambique avec trois formations qui enchaîneront entre 21h et 1h du matin, et notamment le The Patriotic Sunday, le retour du combo Nanto et aussi un peu Rennais puisqu'on y retrouve des musiciens de la Terre Tremble. Il y aura aussi les Brétiliens de Échole Pamtay et Greg Aldur, nouvel arrivant à Rennes, tout ça pour 6€. Plus d'informations évidemment sur lemarchénoir.org, et je vous propose d'écouter l'une des dernières galettes de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, sortie au printemps ou en tout début d'année 2015 sous le titre Les Liquidateurs, et on y retrouve la formation d'il y a 2-3 ans dans laquelle on retrouvait le bassiste Guillaume Dubreu aux côtés des habituels Jim B, Patrice Babin, Christophe Gotter, Pascal Godjikian, et l'excellent Eric Roger était à la trompette pour cette pièce qu'il joue actuellement en concert, qu'ils joueront d'ailleurs pour la soirée du samedi 26 septembre, ces fameux Liquidateurs de Tchernobyl, une pièce d'une demi-heure dont je propose d'écouter un quart ce soir, 3-4 tableaux enchaînés de cette excellente pièce de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux. Thank you. boys, listen to me, boys, listen to me, boys, listen, listen, listen. Boys, listen to me, boys, listen to me, boys, listen, listen, listen. Boys, listen to me, les gars, listen, listen, listen, listen, listen, listen, Gvachnam voch chem vachnar. Thank you. Et voilà donc la voix et le râle du liquidateur arménien qui fait partie de cette histoire racontée par la Société des Timides à la Parade des Oiseaux sur ce vinyle de face, une pièce de 35 minutes découpée sur deux faces d'un 33 tours publié par l'excellent Denis Tagu et son label Impolisson. Impolisson qui devrait sortir d'ailleurs une nouvelle galette cet automne consacrée aux pièces électroacoustique du regretté Alain de Philippis, le Nantais qui faisait partie de compagnie de marionnettes et qui a fait beaucoup de musique pour la scène. On aura sans doute même l'occasion d'ailleurs de recevoir Monsieur Tagubu à cette occasion, sans doute au mois d'octobre ou novembre. En tout cas, une galette de la Société des Timides sortie en début d'année 2015, vraiment extraordinaire. vers donc la musique qui se bonifie d'année en année, des timides, et une pochette, une production assez grandiose, une pochette de Paquito Bolino du dernier cri pour rendre hommage au liquidateur de Tchernobyl du 26 avril 1986. Voilà, on va se quitter dans peu de temps après une dernière séquence musicale. À ne pas manquer cette semaine au Terminus, au 78 rue de Riaval, côté Rennes Sud, organisé par l'association Tapette, qui invite Franck Gaffer de Chèque Anorak Neige Morte pour son projet plutôt art prog, celui-ci Total Eclipse, ainsi qu'une formation de post-punk survitaminée de Nantes, comme c'est mis dans le programme Nursery, que je n'ai pas écouté, La Casa Fantôme, qui fait de la drum and bass heavy crust, apparemment c'est des Norvégiens, donc c'est toujours à partir de 19h30 pétante pour 5€, cette soirée donc du mercredi 16 après-demain, donc au café Le Terminus. Voilà, je vous rappelle que l'intégralité des programmes de l'Asile Le Plus Sûr, et ce depuis 2 ans, sont réécoutables, podcastables, avec les playlists à partir du blog asile35.blogspot.fr. Et donc une dernière pièce pour se quitter, avec un morceau assez long, extrait d'un très beau disque de Amir El Safar, l'album Two Rivers Ensemble, sorti par l'excellent label P Recordings. Amir El Safar, qui, comme son nom n'indique pas, est un musicien né et qui est né et qui a grandi du côté de Chicago, qui est trompettiste, qui chante aussi, qui joue du santour. Et donc sa formation, avec laquelle il a déjà sorti 2 disques, Two Rivers Ensemble, s'est vu commissionner, on lui a proposé donc une création pour le festival de Newport Jazz en 2013, une musique plutôt autour de ses racines arabes et autour notamment du makam irakien. Il a invité un joueur de bouzouk, Tarek Abouchi, et un joueur de oud et percussions moyen-orientales, Zafer Tawil, pour rejoindre sa formation avec les réguliers Nashel Wetz à la batterie et Ole Mathisen au sax, aux différents sax, et le bassiste Carlo De Rosa. 2 pièces extraites de ce Amir El Safar, l'album du Two Rivers Ensemble Crisis. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Ya diman di يا حمام الدوح يا حمام الدوح يا حمام الدوح غر الطربة واشتما شئت حجازا وصبا وهب الدهر لنا لذته وهب الدهر لنا لذته واسترد الدهر ما قد وهب واسترد واسترد الدهر ما قد وهبا يا